rafraîchissent la maison. Découvrez tous les avantages des pompes à chaleur Daikin sur daikin.be. La première. Il est 16h. Votre journal tout de suite sur la première, bonjour. Bonjour, c'est un échec. La réunion entre syndicats et direction à la SNCB vient de se terminer sans accord. Les pistes proposées par les syndicats ont été rejetées. La CGSP confirme qu'elle redépose un préavis de grève du 12 juin au 19 juin. La CSC ne s'est pas encore prononcée. On écoute Michel Abdissi de la CGSP Cheminot qui s'exprime à la sortie de la réunion. Nous sortons, je dirais, avec un résultat négatif, en fonction de la volonté de nos affiliés au niveau de la COD-CGSP. Et donc, il était impossible de trouver un terrain d'entente. Donc, on a même l'impression que plus on avance, plus les contraintes se referment, que l'étau se referme. Et donc, à partir de ce moment-là, nous n'avions qu'une seule alternative au niveau de notre organisation, après plus de 5 heures de négociation, c'est bien sûr, afin de défendre nos cheminots, de redéposer un préavis de grève qui respecte, je dirais, la réglementation des chemins de fer, c'est-à-dire que nous avons déposé un nouveau préavis de grève qui débutera le 12 juin à 22h. Voilà une interview de Baptiste Tupin avec Alain Demarais. En parallèle de cela, le trafic doit toutefois reprendre normalement ce soir avec la fin des mouvements spontanés. Et vous l'avez entendu, c'est bien à partir du 12 juin que la grève reprendra s'il n'y a pas d'accord d'ici là. Notons aussi qu'Infrabel vient de dénoncer un grave acte de sabotage du côté de Mons. Des câbles de commande ont été sectionnés. Cela aurait pu provoquer un déraillement, c'est ce que dénonce Infrabel. Les conducteurs des bus des Tech-Namur reprendront le travail dès demain matin. Décision prise ce midi en Assemblée Générale. Les syndicats ont obtenu quelques avancées dans le conflit social qui les oppose à la SRWT, la Société Régionale Wallonne du Transport. Mais de vives tensions persistent entre les syndicats. Jean-Claude Hénuy a interrogé Bruno Dizier, délégué CGSP. Nous reprenons la route dès demain pour la majorité des bus. Il y en a certains ici qui ont dit qu'ils reprendraient peut-être la route déjà cet après-midi. On ne s'y oppose pas du tout. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu des réponses hier à l'SROT qui sont quand même rassurantes. J'ai eu l'occasion de discuter avec l'une ou l'autre personne qui vient de sortir. Il y a des tensions entre syndicats. Il y a des tensions entre syndicats. Il y avait des mécontents sur nous autres. La CGSP, ça c'est clair parce que on est conscient qu'en bloquant les dépôts, on fait perdre de l'argent aux agents, c'est vrai, mais il arrive un moment, malheureusement, on n'a pas le choix. La situation est loin d'être normalisée ailleurs en Wallonie. Une assemblée houleuse a lieu en ce moment du côté de Liège, au dépôt de Robermont, où 70% des travailleurs veulent reprendre le travail, mais les syndicats envisagent de passer un vote secret. La reprise du travail se fait donc en ordre dispersé en fonction des régions. Et si rien ne roule à Charleroi aujourd'hui, par exemple, dans le Brabant Wallon ou à La Louvière, la CGSP envisage une reprise complète du travail dès lundi. C'était une fausse alerte sur le site de GSK Rixensart. L'entreprise pharmaceutique avait été en partie évacuée suite à une alerte à la bombe et à la découverte d'un colis suspect. Celui-ci a été analysé et il ne contenait finalement rien de dangereux. Dans les villages autour de Nassogne et Marche-en-Famenne, l'heure est à sauver ce qui peut l'être après les inondations d'hier. Des coulées de boue ont causé d'importants dégâts et ont fait une victime, un homme d'une soixantaine d'années qui a été emporté par les eaux. Son corps a été retrouvé en fin de matinée. Du tennis, à Roland-Garros, on connaît l'affiche de la finale des dames. L'américaine Serena Williams, première mondiale, affrontera l'espagnole Garbin Muguruza, quatrième mondiale. Quant aux demi-finales messieurs, elles sont en cours. Stan Wawrinka affronte Andy Murray. Premier set en cours, Murray domine. Et puis Novak Djokovic est face à Dominic Thiem. Djokovic qui a remporté le premier set 6-2. Et puis un petit peu de football aussi au programme avec des écoliers qui devaient être aux anges aujourd'hui et pour cause. Des Diables Rouges ont rendu visite à 10 écoles dans le cadre d'un concours organisé avec Ouf TV. Il s'agissait de mettre en valeur des projets des écoles à visée sociale. Exemple à l'école communale Les Rives du 1 à Braine-le-Château où les enfants passent du temps avec des personnes âgées. Un match a eu lieu dans la cour d'école et des nazars a joué en compagnie des enfants et d'une pensionnée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est le capitaine des Diables était plutôt impressionné. Elle a plutôt pas mal joué d'ailleurs. Honnêtement, elle était assez speed. Et non, c'est bien de voir les générations qui se mélangent. Les jeunes d'un côté, les plus âgés de l'autre. Voilà, on est souvent séparés, on connaît pas vraiment les personnes âgées, sauf nos grands-parents. Mais voilà, on peut voir qu'en fait, on a beaucoup de choses en commun et que non, c'était plaisant. Franchement, c'était une matinée enrichissante pour tout le monde, je pense. Voilà, Eden Hazard au micro d'Arnaud Montero. C'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre. Toute l'info est sur rtbf.be. C'est presque sérieux, c'est avec vous, Walid. Effectivement, Marie-Vaine Kutsem, on vous retrouve tout à l'heure à 16h30, place à l'infotainment, on va dire ça comme ça, on va être presque sérieux jusqu'à 17h30 sur la première. Soyez les bienvenus. Prête à surfer l'immense vague et trébucher sur un château de sable? Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20€. Europassistance.be, you live, we care. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Je pose des questions, vous me dites, panda, pendu ou les panda. Deux? Alors, sa présence, là où il est, tient du miracle. Panda, pendu ou les deux? Les panda. Deux. À côté de son papa, il ressemble à une toute petite crevette. J'ai eu l'honneur pour organiser la fête d'anniversaire pour les Rolling Stones. Ah oui. Mais une des choses qui est vraiment restée, c'est le dessert. J'ai créé un dessert avec des structures différentes de framboises, sorbet, caramel, mousse barba papa. Et à la place de mettre le chocolat sur l'assiette, on a laissé sniffer le chocolat. Mais le lendemain, ils ont fait une interview avec Mick Jagger. Oui. Oui, Mick, c'était comment la fête? Oui, on a sniffé le chocolat, c'est la fête. C'est dangereux ou pas? On ne le sait pas encore. J'ai mis quand même sur la boîte qu'on conseille de ne pas sniffer toute la journée. Parce que dans le quiz du Chrétien en marche, le présentateur sait mettre l'ambiance, comme vous allez l'entendre ici avec cette spéciale Chrétien en grandes écoles, où il accueille trois jeunes étudiants qui sont, mais déchaînés. Ils sont de retour pour la grande finale du mois. Ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Ouais. Marie, quelles sont tes deux passions à toi? Le rugby et la flûte traversière. Avec Pablo va repartir le grand gagnant. Une voiture, une cuisine équipée. Non, je sais, une un voyage à l'île Maurice. En ce mois de la solennité de la naissance du Seigneur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette médaille de la Vierge à l'enfant. Ah, hey, une médaille de la Vierge à l'enfant, c'est quand même autre chose que une clé USB de la première, les amis. Ouais. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête, restez presque sérieux. Avec Walid. Merci, Aou Aou, elle nous a vraiment délivré un véritable panda d'arrêt des mauvaises nouvelles. Oui, enfin, on espère ne pas apprendre une mauvaise nouvelle. Hein. Mais jusqu'ici, on n'a pas encore fait état de dégâts de zoo du côté de Mons. Et du coup, les propositions commencent à arriver pour le prénom. Par exemple, il y a quelqu'un qui propose Jean-Marie. Jean-Marie Apartheid. Parce qu'il trouve que le panda est un exemple réussi de séparation claire entre les zones noires et les zones blanches, c'est clair. Et si vous avez d'ailleurs des propositions à faire pour le prénom, hein, il ne sera donné que dans les 100 prochains jours, hein, histoire de voir si le petit panda sera vivant, Sylvie. N'hésitez pas à faire vos propositions, à les mettre sur notre page Facebook. En attendant, je vous présente l'équipe du jour qui va vous accompagner jusque 17h30. Et j'ai imaginé la forme animale sous laquelle il pourrait se réincarner dans une vie future. Il aime croquer, il aime rire. S'il revient, bien, ce sera pour une hyène de vie. C'est Frédéric Dubus, bonjour. On l'imagine est-ce en que mer. Je fais bien l'hyène. On l'imagine en mer, le persifleur perché sur sa branche, en train de cracher sur les passants. C'est Pierre Charette, bonjour. Bonjour Walid, j'aurais préféré être un pan. C'est vrai? Bah oui. C'est pourquoi? Je sais pas. Non, je vais pas le dire. Non, d'accord. Tiens, parce lui. Il fait la roue avec sa queue, c'est exactement. Ça il nous reviendrait sous forme de baleine bleue parce que c'est l'animal qui a le plus gros cœur. Hein. 600 kilos de gai savoir. C'est Zédric Zervi. Bonjour. Ah bah, c'est super gentil. En plus, mon totem, c'était Otari. Donc, t'es pas loin. Vous n'êtes pas loin. Vous êtes ah, fan bah, maintenant. Tiens, un autour. Oui, l'autour Reyers. Très connu d'ailleurs. Hein. Le seul rapace de l'histoire à porter des grosses lunettes sur le bec. Oui, c'est vrai. Vous saviez, c'est ça. Très rare. C'est hein. L'autour Reyers. Lui, le roi du camouflage, on l'imagine en phasme, hein, qui jouerait au Shiny Game pour être un peu plus coloré quand il sort dans des endroits branchés. C'est Vincent Flibustier, bonjour. Bonjour Jean Goéland. C'est pas mal, c'est là. Tiens, une petite fourmi ouvrière dans une joyeuse colonie, finalement, ça ne la changera pas. C'est petit Sam Adachour qui a préparé cette émission pour vos petites oreilles. Chers amis, lui, ce serait un coquillage. Hein, comme ça, quand on le mettrait à l'oreille, on pourrait écouter la première. C'est Vincent Van Der Venne, notre petit coquillage à nous. On l'aime. Hein, on l'aime Vincent Van Der Venne. Et vous Walid? Alors moi figurez-vous qu'aujourd'hui et moi je dirais chameau parce que ça bosse. Oh. Deux fois plus. Voilà hein. Chameau, pas dromadaire. Pourquoi pas dromadaire? Ce dromadaire ça ne bosse qu'une fois. Ouais, c'est racisme ouais. Ordinaire ouais. Au moins deux travails vous. Ah oui. Au moins. Ça c'est le minimum. Oui hein. Ouais. Depuis qu'on m'appelle Jean Gaulle, maintenant c'est fini. Surtout que vous devenez carreleur ce week-end. Ouais, c'est vrai, je deviens carreleur. En tout cas, merci à vous d'être comme nos chroniqueurs du jour. Presque sérieux, vous l'avez compris, l'actualité ce sont eux qui la font et c'est nous qui en rayons. Soyez les bienvenus. C'est presque sérieux. Sur la première. Et notre directeur d'antenne dans les parages, c'est mauvais signe ça. Soyons sérieux. C'est mauvais signe, il vient de nous faire signer un papier, je crois. Un flash info. Oh là, c'est un flash info, qu'est-ce qui se passe, René Miquel ? Dites-nous, un flash spécial, c'est un quelque chose de avis de grève. Qu'est-ce qui se passe ? Oh là là là, il y a un gros papier à signer. Un petit concours à proposer à nos auditeurs. Alors, venez, qu'est-ce qu'on propose aux auditeurs ? Dites-le. Mélanie de Biasio, qui a été votre invitée. Mais parlez devant le micro. La radio. Oui, mais j'ai pas de casque. Dites-nous. Mélanie de Biasio, qui a été votre invitée. Non, c'était d'entrer sans frapper. Ah oui, mais qui va bientôt être votre invitée. Oui. Elle est en concert demain à Flagey. Sans déconner. C'est à 20h15. C'est vrai. On a les 2x2 dernières places à offrir. Eh bien, on va les offrir maintenant. Voilà, par SMS. Oui. Au 60. Oh, je les veux bien, les codes. Mélanie. Mélanie, oui. 75 centimes le message. Vous n'oubliez pas votre nom, votre prénom. Mm-hmm. Et on récompense deux auditeurs. Eh bien, voilà. Merci, René Michelis. On peut applaudir René Michelis. Et là-bas. Quel talent. Bravo. Ah, il vient comme ça vous offrir des cadeaux en tout début d'émission. Et ça, c'est la première. En plus, c'est vachement bien. Et là, comme tu dirais, je suis fan. Vous êtes, voilà. Ah, moi, je suis vraiment fan du duo d'animation avec René Miquel. Et on va faire un duo d'animation avec René Miquel. Walid et René. Chez vous, bientôt. Walid et René. Donc, on vous offre 2x2 places pour le concert de Mélanie de Biasio demain à 20h15 à Flagey. Donc, envoyez Mélanie par SMS au 6031, 75 centimes le message. Nom, prénom et adresse. On aura l'occasion de tirer deux personnes au sort. Oui, Raoul. C'est pas très gentil, vous répétez ce que René vient de dire. C'est comme si on n'avait pas compris ce qu'il avait dit. Ouais, mais qu'il est mauvais aussi. Mais je le fais de manière professionnelle. Ah, il n'est pas professionnel, bravo. Mais, nous en mieux. Ah, on va vous offrir d'autres cadeaux également. Venez participer avec nous au Qui a dit. On vous envoie un très très bel ouvrage édité chez Racine avec des idées recettes rapides et faciles pour les grands soirs. Marie Gourmandise, Homemade Cooking, édité chez Racine. Vous envoyez CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On jouera ensemble d'ici une petite vingtaine de minutes au Qui a dit. Et le Qui a dit du jour, je vous le donne. Qui aurait pu dire « Ne jouons pas avec l'avenir de nos enfants ». Ah, quelqu'un qui a de la raison apparemment. À vous de déterminer d'après les propositions que nos chroniqueurs du jour vont vous faire. N'hésitez pas, vous venez à nous et sans plus attendre, eh bien, on passe à la une du jour. C'est la une. Deux extraits musicaux, écoutez attentivement les deux extraits et tentez de les rattacher à deux actualités. On va gagner. Oh là. Oh là là. Qui l'innocent. D'un côté, Kiki l'innocent, on va gagner. Et de l'autre, rien pour ça, j'ai pas envie qu'on gagne. Yes. Parce qu'alors, on l'entendrait. C'est la peste et le choléra aujourd'hui. Yes. Ose. Alors. Mais dites, c'est la quintessence de l'humour. Avec Kiki l'innocent, on va gagner. À quoi ça fait référence ? Pourquoi ce morceau ? Au comblage de la dette de l'Union belge s'ils vont au-delà de la demi-finale. Effectivement, on va le dire en français. Les diables, effectivement, ont la pression de l'Union belge. Une demi-finale à l'euro épurerait la dette de l'Union belge. Une dette. Et la dette de l'État belge. Plus de 4,5 millions d'euros. Tant qu'à faire. Soyons fous. Bon. Hein ? Je ne sais pas, moi. Bah non. Non. Il y a quand même un point positif avec cette chanson, c'est que c'est quand même Jean-Luc Faux qui a écrit le texte. C'est vrai, aussi. Il n'a pas fait que des choses bien, Jean-Luc Faux. Donc ce morceau, pour parler de cette dette que l'Union belge a contractée, 4,5 millions d'euros, et donc le fait que les Belges aillent au moins jusqu'en demi-finale permettrait à la Belgique d'empocher quand même la coquette somme de 5 millions d'euros. S'ils vont en demi-finale, 5 millions tomberont dans les caisses, ce qui épurerait nos dettes. C'est ce qu'a déclaré le directeur financier de l'Union belge. C'est quand même incroyable, c'est qu'on a peut-être la meilleure équipe de l'histoire du pays et qu'on arrive à avoir une dette avec... Du pays, oui. Oui, c'est vrai. Mais c'est encore la dette de l'équipe d'il y a 25 ans. On n'a jamais vu autant de diables dans autant de pubs et encore un trou dans le budget. Tiens, si je vous dis la mallette football, est-ce que vous savez ce que c'est ? La mallette football. Est-ce que c'est un peu comme la mallette nucléaire ? On appuie sur un bouton et on envoie notre équipe à l'autre bout du monde. Alors, vous n'êtes pas très loin. La mallette football, c'est un peu ça. C'est un peu comme la valise RTL ou... Non, c'est ce que Donald Trump va essayer bientôt. C'est la mallette nucléaire, Vincent Flibustier. Effectivement. Ça s'appelle la mallette football. Aux États-Unis, lorsqu'ils sont en déplacement, la plupart des chefs d'État disposent de la force nucléaire. Ils sont suivis par cette fameuse mallette nucléaire. Le football, surnom, donc, provient du dropkick. Vous savez, le petit ballon américain qu'on envoie, voilà. Et c'est du football américain. Un football américain, ouais, bien sûr. Et on a vu récemment aussi qu'aux États-Unis, tout ce qui est code nucléaire, etc., sont encore sur des grosses vieilles disquettes des années 80 parce qu'ils n'osent pas mettre le truc à jour. Aux États-Unis, vous savez comment on appelle cette, ce petit carton ? Le biscuit. Le biscuit. Ouais, on appelle c'est délicieux. C'est le petit biscuit. Moi, je me demande si vous n'inventez pas les trucs. Il travaille pour le FBI. Et vous savez que justement, il y a pas mal de présidents qui ont égaré ce fameux biscuit. Cette carte où sont inscrits les. Il faut chercher dans la coudoir du fauteuil. Jimmy Carter, lui, l'a perdu. Il l'a laissé dans son costume qui était parti chez le teinturier avec les codes nucléaires, quand même, faut le faire. François Mitterrand également, il aurait glissé les codes le jour de l'investiture dans la poche de son costume avant lui aussi de l'envoyer au nettoyage. Et le pire, c'est Bill Clinton. Bah oui, il l'a laissé dans Monica. Non. Bill Clinton, lui, il aurait carrément perdu les codes pendant plusieurs mois et à chaque fois qu'on lui demandait, il fait ouais, je les ai, mais. Et en fait, ils sont obligés de les montrer tous les jours. C'est peut-être Boris Yeltsin qui faisait semblant d'être bourré, qui lui a piqué. Vous vous souvenez dans cette vidéo où il est ivre mort avec Clinton. S'il mettait les codes sur une clé USB la première, là, il ne risque pas de la perdre. On va le renvoyer, on va y penser. Voilà. Deuxième extrait, écoutez attentivement le morceau que voici. Non, Yannick Noah avec Rose. De quoi s'agit-il ? Cédric Gervais, vous n'êtes pas fan de Yannick. Ah là, je déclare forfait, oui. Alors, dites-nous un peu, de quoi s'agit-il ? C'est une escroquerie. Escroquerie, presque. Ça a un rapport avec le tennis ? Non, absolument pas. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la chanson ? Alors, il faut oser déjà, et alors il faut imaginer Yannick Noah. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière ? Il a chanté, c'est bien une escroquerie. C'est des reprises de Bob Marley. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait du tennis et puis il est devenu chanteur. Et donc, comment on appelle ça ? Il a enlevé son reconversion. Alors, il faut poser une reconversion. Est-ce que dans la presse vous avez lu un article qui parle de reconversion ? Ben, tous ceux de Canal Plus qui s'en vont là. Ce sont les Belges qui se reconvertissent de plus en plus vers le chômage. Et alors effectivement les reconversions professionnelles. Yannick, tais-toi, sa gueule. Les reconversions professionnelles sont en augmentation. De plus en plus de travailleurs reçoivent une formation pour se reconvertir dans un autre domaine. Lors des trois premiers mois de l'année, le nombre de formations en reclassement a augmenté de 59%. C'est énorme. En tout cas, beaucoup d'entreprises licenciées aujourd'hui et de nombreuses personnes sont obligés de se tourner vers d'autres métiers et donc reconversion. Tiens, autour de la table, si vous deviez faire autre chose que votre métier, Pierre Charette. Merci. Voilà. Fred Dibus. Moi, je dis toujours menuisier. Menuisier. Vincent Flibussier. Je ferai à manger. Ok. Bah, comme Raoul, tiens, vous ouvrirez un restaurant. Oui, c'est ça. Ouais. Et vous je crois que si on devait, ma femme et moi, on ouvrirait un resto ou un truc comme ça, ouais. Que des restaurateurs autour de cette table, ça, c'est la classe. Si je vous dis la Marseillaise des travailleurs. Est-ce qu'on peut couper ? Oui, je vais lui demander. Ouais. Vincent, arrête. C'est à cause de ça qu'on perd des auditeurs. Ouais. Alors, c'est quoi la Marseillaise des travailleurs ? C'est l'international ou un truc comme ça ? C'est quoi la Marseillaise des travailleurs ? C'est une chanson ? C'est une chanson. C'est Bella Ciao. Non, c'est une forme d'international. Un chant révolutionnaire. C'est un chant par Yannick Noah. Non, pas par Yannick Noah. Le chant des partisans. Des partisans, non. Non. Est-ce que c'est la Marseillaise plus, juste avec les paroles? Alors, la Marseillaise, c'est français? Non, ce n'est pas français. C'est italien? Non. Anglais? Non plus. Russe? Russe. Ah oui, effectivement, pendant la révolution de 1917, ils utilisaient la Marseillaise comme hymne. Effectivement. Comme hymne révolutionnaire. La Marseillaise fut aussi donc l'hymne national russe durant quelques mois, baptisé donc la Marseillaise des travailleurs. Quel rapport avec Yannick Noah? On parlait de travail. Ah, ouais, voilà. Et le refrain, vous le voulez le refrain, ça faisait debout travailleurs, debout contre les ennemis, frères affamés. En avant, le peuple crie vengeance. Et puis après c'est que des en avant. Faudrait le voir mis sur la Brabançonne. Ouais, oui, on peut essayer. Voilà. Je pense que ça pourrait être chanté par les chanteurs de la FGTB, la chorale de la FGTB. La Marseillaise des travailleurs. Eh bien, dans la suite, on va non pas parler des travailleurs, mais de panda avec vous, Fred Dubus. Ben dites donc, de grève, tout ça. Ah, ça. Tout un programme. Tout un programme. Voilà, il a esquissé l'actualité pour vous et il va vous la ressortir avec sa petite griffe qu'on connaît bien, sa petite patte. C'est signé Fred Dubus, on en parle dans un instant. Et puis vous inscrivez, vous envoyez CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On jouera ensemble au qui a dit, que voici d'ailleurs, je vous rappelle la phrase du jour, qui aurait pu dire ne jouons pas avec l'avenir de nos enfants. Nous vous ferons des propositions dans la suite et nos chroniqueurs seront un plaisir de vous mettre sur la mauvaise voie, à vous de déterminer qui aurait pu prononcer cette fameuse phrase. Au menu, grève et panda, c'est dans la suite sur la première. C'est un gouvernement qui est composé d'une bande de gamins de merde. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Voilà, nous arrivons maintenant au trou le plus difficile du tournoi, certain. Ouh, quel swing, bravo. Oh, la balle file tout droit vers... Non, oui, all in one, voilà. Non, attendez. Un écureuil vient de chipper la balle et de la déposer au trou suivant, mais ça veut dire... Oh, ça veut dire double all in one. J'ai jamais vu ça, jamais. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, la Golf de Volkswagen. Découvrez la série spéciale All-Star, généreusement équipée, mais aussi un avantage client de 5500 euros. Plus d'infos sur volkswagen.be. Comment je calcule le coût salarial d'un employé supplémentaire? Ben, je ne le fais pas. Faites confiance à Sécurex. Réalisez une simulation sur coûtsalarial.be. Sécurex. Chacun son métier. Hey, vous êtes au volant? Regardez un peu votre compteur. Il est à combien? Et depuis quand roulez-vous avec cette voiture? Vous savez donc combien de kilomètres vous faites par an? Moins de 15 000. Alors, vous pouvez économiser jusqu'à 50% avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. En plus, en ce moment, vous recevez jusqu'à 6 mois gratuits d'assurance responsabilité civile. Corona Direct, c'est comme ça que je veux être assuré. Calculez votre bénéfice sur coronadirect.be. Direct. À chaque jour, c'est plaisir. Maman, j'ai plus rien à mettre. Oh, bon, allons faire du shopping. Oh, génial, où est-ce qu'on va? Chez Ikea. Chez Ikea? Bah oui, on va t'acheter un dressing. Hein? Comme ça, tu vas ranger ta chambre et tu vas retrouver plein de vêtements. Maintenant, 10% de réduction sur votre garde-robe Pax. Plus d'infos sur Ikea.be. Ikea, à chaque jour, c'est plaisir. Chez Decathlon et sur Decathlon.be, les tentes Quechua se montent et se démontent en deux temps trois mouvements. Idéal pour tous ceux qui sont du genre... Oh les gars, on voit plus rien là, faut qu'on se pose. Mais aussi pour tous les... Hé hey, les enfants, regardez le sommet. Quand on y est, on monte le camp, d'accord? Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. La première, Mobile Info. À 16h21, retrouvons notre panda de l'autoroute. Oui, c'est Pierre Collard-Bovie. Vous allez bien, mon petit Pierre? Comment vous m'appellerez alors si je suis un panda? Comment est pris. Alors attendez, comment est-ce qu'on pourra... Laissez-moi jusqu'à 17h30. D'accord, ça va. Ah, et on va inviter nos auditeurs à trouver le nom de panda de Pierre Collard-Bovie. Je prends des risques. Ouais. Alors que se passe-t-il sur nos routes? Est-ce qu'il y a des risques? Le véhicule est en panne à Bruxelles dans la sortie du tunnel Porte de Halle. La bande droite est encombrée vers le midi. Un accident sur le ring de Bruxelles en intérieur à hauteur de Zaventem. La bande de gauche est neutralisée vers le carrefour Léonard, ce qui donne déjà 28 minutes de temps de parcours supplémentaire pour l'intérieur Zaventem carrefour Léonard. Cela étant 34 minutes en plus pour l'extérieur Grand Bigard au titre, 28 minutes en plus pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 12 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem. Alors, des ralentissements de travaux sur le 19 Mons-Valenciennes à partir de Pomerol. Vous perdez une quinzaine de minutes en direction de la France. Quelques minutes perdues également dans le chantier entre Ciné et Assès sur le 411 Arlon-Namur en direction de Namur dans quelques minutes. Accident sur la 602 Lons-Saint-Chenet dans le tunnel de Cointe. La bande de gauche est neutralisée, ce qui vous fait perdre 20 minutes en direction de Chenet. Également de gros embêtements de circulation dans le centre de Liège et aux alentours des quais aujourd'hui. Un accident sur le 40 Bruxelles-Gand à hauteur de Herpemer. Une bande de circulation est neutralisée. Elle défile à partir d'Alost en direction de Gand. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Et je vous rappelle que nous vous envoyons du côté de Flaget demain pour assister au concert de Mélanie de Biagio. N'hésitez pas à envoyer Mélanie par SMS au 6031. Nous avons deux places, les deux dernières, deux fois deux places, donc quatre hein, à vous offrir. Vous envoyez le code Mélanie avec vos coordonnées complètes, nom, prénom et adresse. Nous, on s'intéresse à l'actualité cette fois-ci avec Fred Dubus au programme Panda et Grève. Oui, alors je ne sais pas si vous l'avez marqué, mes chers petits amis, mais l'ambiance est plutôt morose ces derniers temps. Le climat social ressemble quand même plutôt à une vieille tarte aux prunes, hein, trop cuite comme ça, apportée pour le goûter par une vieille tante un dimanche après-midi pluvieux, et qu'on est obligé de se farcir en souriant avec un jus de pomme tiède, et que tu as l'impression que ce dimanche ne finira jamais. Je déteste la tarte aux prunes. On pourrait se rattraper avec le sport, par exemple. Mais bon, les Diables Rouges avaient décidé d'assurer un service minimum mercredi. Et David Goffin s'est fait ratiboiser à Roland-Garros, ah ouais, qui ressemble plus à un tournoi de water polo sur terre battue qu'à un tournoi de tennis cette année. Oui, parce qu'en plus de tout ça, il faut compter avec la pluie, la flotte, tout ça. Alors tu as beau te dire que c'est bon pour les jardins, mais quand tu vois les saumons remonter le 411, tu commences à t'inquiéter. Mais heureusement, vous dites-vous, dans ce tas de nouvelles déprimantes, il reste toujours un petit rayon de soleil. Une petite nouvelle encourageante pour donner un petit peu d'optimisme au couillon, la naissance d'un bébé panda. Et oui, apparemment, il n'y a plus que les pandas qui travaillent en Wallonie, on dirait. Et vas-y que je te tartine du carnet rose à Peridaisa et que je te balance de la vidéo gore avec une espèce d'alien rose de 10 cm qui rampe sur un carrelage dégueu en poussant des cris de schtroumpf malade pour finir dans la gueule de sa mère que tu crois qu'elle va le bouffer et c'est censé nous rendre heureux. Je crois qu'on se fout un peu de notre gueule. La dernière fois qu'une insémination artificielle a rempli la population de joie, c'était une naissance à Laeken. Mais ça date. Et puis Laeken, c'est pas Peridaisa non plus. D'ailleurs, ne le répétez à personne, mais il se murmure que la femelle panda aurait été inséminée avec le sperme d'Elio Di Rupo en personne. Oh, bah oui, non, mais quand vous voyez un petit truc rouge, tout rouge qui s'agite et qui gueule tout le temps. Voilà, il n'y a plus de doute. Non, mais sérieusement, la naissance d'un bébé panda, vous pensez vraiment que c'est une bénédiction, une bonne nouvelle? Ah, ce silence en dit long. On a été pris de court. Mais voilà, pas du tout, parce que vous ne m'écoutez pas, mais je m'en fous, je continue, pas du tout. C'est 20 ans de malheur, moi je vous le dis, c'est 20 ans de malheur. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? Eh bien, on vous le demande. Je vais vous le dire. Dites-moi. Je vais vous le dire. Dans 2 jours, les soigneurs du parc Peridaisa vont se mettre en grève émotionnelle, parce qu'ils sont trop émus. Alors évidemment, dans la foulée, ce sont les gardiens qui vont avoir un surcroît de travail et qui vont se mettre en grève sauvage. Hein, dans un parc animalier, les grèves sont toujours sauvages. Du coup, des files de voitures vont s'allonger sur la E400, sur la E42 et la N56, créant des embouteillages monstres. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir envoyer l'armée pour débloquer tout ça. C'est évidemment le moment que vont choisir la Cille, l'encre et le trimpon. Là, je vois vos yeux. La Cille, l'encre et le trimpon, 3 affluents de la Dendre pour gonfler sous l'effet de la pluie et aller faire déborder la Dendre qui va elle-même inonder l'autoroute, noyant d'un coup tout un quart de syndicalistes FGTB qui étaient venus soutenir les collègues de Peridaisa et organiser des piquets de grève. Sur ce, Marc Goblet décrète 2 ans de deuil national et une grève générale émotionnelle au finish en réclamant la démission du gouvernement chinois jugé responsable des maux des travailleurs. Les techs embrayent, enfin débrayent par solidarité avec les travailleurs chinois. Elio Di Rupo interpelle le gouvernement pour qu'on sauve son pépé. Et Jean-Pascal Labi en profite pour saboter le micro de Charles Michel qui s'électrocute et est envoyé d'urgence au service des grands brûlé de Neder-Vorenbeek sous les cris de Laurette Unkelings qui crie « Bien fait, bien fait !» Le conflit prend une tournure communautaire quand Bart De Wever exige qu'on confie le bébé panda aux eaux d'Anvers sous prétexte que les Wallons ne savent pas bien gérer. Bref, après 8 mois de grève générale, on décide de couper le bébé panda en deux. Et lui hurle « Rendez-moi mon pépé !» Bruxelles réclame un bout aussi, on est proche de la guerre civile. La Chine s'inquiète et décide de régler l'affaire en parachutant un petit bataillon de 3 millions de soldats qui envahissent le pays, exfiltre leur panda, éradique la population, sauf le camarade Raoul Edebaut, qui prend le pouvoir. Alors certes, il est tout seul, mais il parvient quand même à ne pas être d'accord avec lui-même, et il se déporte dans un goulag. La Belgique est déserte comme le piétonnier de Bruxelles, et les limaces l'envahissent. Alors si c'est ça que vous appelez une bonne nouvelle, eh ben moi je veux même pas entendre les mauvaises. Ouais, vous faites des beaux rêves, vous. Hein. Ah, j'ai soif. Ouais, et bien justement, si vous voulez revoir, je ne suis pas fait pour commenter le match de foot. Réécouter cette chronique, bien n'hésitez pas à vous rendre sur le rtbf.be/ovio. Raoul Reyers. Allons-y très vite. Ouais. Ouais, très vite. Raoul, ça fait du bien. Dites-moi tout. Il paie la pension alimentaire de son ex en pizza. Ah ouais. Oui, c'est drôle comme ça, mais il a quand même eu l'accord du tribunal pour le faire. Ah oui. Et doit lui livrer pour 300 euros de pizza par mois. Et c'est pas mal, ça. Josiane, tu veux quoi? Margarita au calzone aujourd'hui? Et sa femme a pris 17 kilos. Parce qu'elle bouffe des pizzas tous les jours. Il faut croire que le juge préfère les grosses. Moralité. Oui, c'est peut-être. Ou qui préfère certains qu'au moins elle mange à sa faim, cette madame. Oui, mais enfin, les pizzas tous les jours, enfin. Ah, enfin. Embryon. Numéro 2. La surprise. Embryon. La surprise la plus dangereuse jamais trouvée dans un Kinder. Vous avez vu ça? Ouais. Et pour une fois, c'est une vraie surprise. En Irlande, le gamin de 5 ans a découvert une dose de méthamphétamine dans son Kinder. Ce qui est pas mal. Dans le Kinder le plus cher de l'histoire. Oui, mais aux USA, il est plus facile d'acheter une arme qu'un Kinder. Mais peut-être qu'il va y avoir jurisprudence. Le Kinder va peut-être devenir une arme. Dangereux. Donc les gamins aux États-Unis vont peut-être pouvoir manger des Kinder. Oui, oui, oui. Ah, il faut voir le positif des choses. La question est lancée, chers amis. En numéro 1. Numéro 1. Le titre du jour qu'il fallait presque lire. Un Pakistanais père de 35 enfants vise 100 descendants. Et pour ça, il cherche une 4e femme. Ah ouais. Donc ça ne fait plus que 25 enfants par femme. C'est énorme. Bon, c'est énorme. En pension alimentaire, ça ferait combien de pizzas, ça? Je sais pas, parce qu'il paraît qu'il est pauvre en plus. Ouais, ouais. Et donc, il compte peut-être sur sa descendance. Mais avec 100 enfants, ça devrait aller. Ça fait des allocations familiales. Et donc, à bonne entendeuse, salut. Hein, si vous souhaitez faire 25 enfants, il y a quelqu'un qui serait preneur pour le téléphone de Sandar. C'est son nom. Réponse en MP. Ah ben voilà, voilà. Merci Raoul pour ce petit top 3. Dans la suite, on joue avec l'un ou l'une d'entre vous. Nous jouons ensemble au qui a dit vous envoyer CPS au 6031 75 centimes. Le message, nom, prénom et adresse des propositions qui vous seront faites dans un instant pour repartir avec Marie Gourmandise. Des idées, recettes, pratiques, faciles à faire. Et on s'informe dans un instant, dans quelques minutes, avec Marie Van Kutsem sur la première. Restez avec nous. À l'école, on a préparé un cadeau pour papa. Et toi, tu vas lui offrir quoi? J'ai pas encore son cadeau, ma chérie, mais je sais où je vais le trouver. Chez Planète Parfum. Oh, un parfum! Bonne idée! Comme ça, ses bisous vont sentir très bon. Fêtez papa chez Planète Parfum et profitez de 25% de remise sur le deuxième produit acheté. Offre valable en magasin et sur notre e-shop planèteparfum.com. L'Homme Gang, plus de 1400 figurants, groupes folkloriques, chars, chevaux feront revivre le temps de Charles Quint et notre histoire. L'Homme Gang, les 5 et 7 juillet prochains, sur la Grand Place de Bruxelles, avec en avant-spectacle une prestation musicale d'Ozark Henry. Tickets sur hommegang.be, avec la première, l'ambassade du Japon, Leonidas et la bière Homme Gang. Et t'as une nouvelle montre? Ah, t'as remarqué, je viens de l'acheter, à très bon prix. Oh, oh. Ah, classe. C'est comme moi aussi, j'ai fait une bonne affaire ce week-end. Ah bon? Ouais, regarde. Un porte-clé? Non mais regarde la clé. Quoi, une Mercedes? Ouais. C'est celle-là? Oui. Tu fais un tour? Attends, je regarde ma montre. Oui, ça va, j'ai le temps. Jusque fin juin, chez Mercedes-Benz, profitez de conditions exceptionnelles sur les voitures de stock. Disponibles immédiatement avec 4 ans de garantie. Rendez-vous chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz ou sur mercedesoutlet.be. Offre sous conditions. Pour la fête des pères, j'ai une nouvelle idée. Un abonnement bière. Chaque mois, il va recevoir 7 bières formidables sélectionnées par un sommelier bière. 7 fois par mois, il va découvrir... Ah, comme ma femme est formidable. Ou... comme mes enfants sont fantastiques. Ça marche comment? Surfez vite sur saveurbière.be ou tapez abonnement bière dans Google. Saveurbière.be. Cette année, la fête des pères sera... La fête des bières. Une bière se déguste avec sagesse. Saveurbière.be. La première présente. La fête de l'environnement change de visage pour devenir le Festival de l'environnement. Venez vivre deux fois plus d'émotions. Le 3 juin, le Bell Movie Day avec plusieurs films en compétition vous accueille à Bruxelles Environnement, à Tour et Taxi pour des séances gratuites. Le 5 juin, participez à la fête au Parc du Cinquantenaire sur le thème Good Food. Plus d'infos, environnement.brussels. Jusqu'au 12 juin, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. Alors, panier en main? On fait le plein de produits ultra gourmands à moins 30%, comme les mini bagels apéritifs, les noix de Saint-Jacques origine France ou le macaron aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. La première. 16h31. Marie Van Kutsem pour vous informer, bonjour. Bonjour à tous. 6 heures de négociations à la SNCB qui n'auront rien donné. Les syndicats rejettent les propositions sur la table. Pourtant, les trains vont à nouveau rouler dès ce soir, 22h, une reprise de quelques jours. Un nouveau préavis de grève est déposé par la CGSP du 12 au 19 juin. La CSC ne s'est pas encore prononcée pour l'instant. Le fonds des calamités devrait intervenir à Nassogne, en province de Luxembourg, une commune inondée depuis la nuit dernière. Et dans l'un de ces villages, Arsin, le corps d'un retraité a été retrouvé ce matin. Il avait été emporté par les crues hier soir. Le ministre président Wallon, Paul Magnette, et son ministre de l'Agriculture, René Collin, se sont rendus dans la commune ce matin auprès des sinistrés. De nouvelles révélations dans le dossier FIFA. La Fédération internationale de football a informé aujourd'hui les justices suisses et américaines de l'enrichissement personnel de l'ancien président Sepp Blatter et de deux de ses lieutenants. Blatter, Jérôme Valk et Marcus Kattner se sont partagés 80 millions de dollars à travers des contrats et compensations au cours des 5 dernières années. Des perquisitions ont lieu hier au siège de la FIFA à Zurich. Voilà pour l'info à 16h33, très exactement. Walid, je vous rends le micro. Merci Marie, retour dans l'information tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Des places pour aller applaudir Mélanie de Biagio demain à 20h15 à Flagey. C'est à gagner en envoyant Mélanie suivie de vos coordonnées complètes, nom, prénom et adresse. Deux fois deux places, les toutes dernières à gagner. Ça se passe sur la première, donc n'hésitez pas à vous envoyer Mélanie et vos coordonnées complètes. 75 centimes le message. Une phrase, un qui a dit et des propositions que vous allez faire aujourd'hui. Ne jouons pas avec l'avenir de nos enfants. Qui aurait pu prononcer cette phrase? Eh bien, jouons avec, justement, tiens, en parlant d'enfants, une institutrice. Elle nous vient de Libramont, elle s'appelle Louise. Bonjour Louise. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Ah, je suis contente de vous revoir. Votre vie privée ne nous regarde pas. Attendez. Si, on veut tout savoir. Eh bien oui, justement, expliquez-nous. On avait déjà joué en octobre ensemble. Ah, vous avez gagné le jeu Concept. Ah, mais octobre, vous savez, c'est... On va apprendre quelqu'un d'autre. C'est loin. C'est loin. Non, Louise, nous allons jouer et vous offrir bien Marie Gourmandise, édité chez Racine avec des idées recettes rapides et faciles. On vous envoie ça. Et une formalité à remplir, déterminée parmi les propositions que nos chroniqueurs du genre vont vous faire. Qui aurait pu dire « Ne jouons pas avec l'avenir de nos enfants » Raoul Reyers. C'est David Cameron. À propos du Brexit. Un argument de bon père de famille, au fond, hein, envers le peuple anglais. David Cameron. Cédric Gervie. Alors, je ne connais pas son nom, mais c'est le porte-parole de, justement, Ao, la mère panda, qui a proposé que cette photo-là serve, justement, pour une campagne pour ne pas jouer avec l'avenir de nos enfants quand on voit la vision extrêmement gore du petit bout de chou dans sa bouche, dans sa gueule. Vous êtes fan? Il a liké. Ne jouons pas avec l'avenir de nos enfants, Vincent Flibustier. Eh bien, ce sont les 82 parlementaires qui ont voté aujourd'hui la prolongation de Doule 1 et 2. On remercie notamment Denis Ducarme, Damien Thierry, Eric Van Rompuy, etc. parce qu'ils ne veulent pas jouer avec l'avenir de nos enfants. On enverra donc bientôt des pilules de cyanure avec Lyon. C'est pas mal ça. Parce que comme ça, on souffre moins. On va poser la même question à Pierre Charette. Ne jouons pas avec l'avenir de nos enfants. C'est le cardinal Barbarin. Non. Ah ben non, puisque c'est Monseigneur Van Gelu. Ah. Il a dit on peut jouer avec leur couille, mais pas avec leur avenir. Si, c'est ta phrase exacte. Il y aurait deux réponses. Monseigneur Van Gelu. Eh bien écoutez, voilà, nous avons des propositions à vous faire. Donc ma chère Louise, et je vous les rappelle ces propositions et cette phrase. Ne jouons pas avec l'avenir de nos enfants. David Cameron, le porte-parole de Ao Ao. Les 82 parlementaires qui donc parlent de la prolongation de Doule 1 et de Doule 2, le cardinal Barbarin ou Monseigneur Van Gelu. Alors, qui souhaitez-vous éliminer? Je pense qu'il faudrait éliminer les deux ecclésiastiques, là. Ouais, je suis de votre avis. Ça ferait du bien à tout le monde. Ouais. Bon, vu l'âge qu'ils ont, ça va pas tarder. Alors, ça c'est fait. Il en reste 3. Je pense pas non plus que c'est le porte-parole du panda. Comment ça? Et je pense que les parlementaires, c'est pas ça non plus. Je pencherai pour David Cameron. Pencher pour David Cameron. Bah, il est pas mal, hein. David Cameron, ne jouons pas avec l'avenir de nos enfants. Le Premier ministre britannique qui, au moment de descendre hier dans l'arène télévisée pour défendre un maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, a déclaré « Ne jouons pas avec l'avenir de nos enfants ». Et c'est donc gagné, effectivement. Bravo à vous, Louise. Le chef, effectivement, du gouvernement conservateur a inauguré hier la première nuit de 8 soirées consacrées sur les différentes chaînes au référendum du 23 juin, un mélange de débats et de questions-réponses avec le public. Certes, a-t-il avoué, cette organisation le rend parfois fou et cette union imparfaite est source de nombreuses frustrations. Mais sommes-nous des déserteurs? Hein, l'Union européenne n'arrêtera pas d'exister si on part. La Manche ne va pas s'élargir, a-t-il ajouté. Sincèrement inquiet, ne jouons pas avec l'avenir de nos enfants, a-t-il conclu, alors que les sondages, 51% donc pour rester, 49% pour quitter l'Union européenne, selon donc la moyenne des dernières enquêtes d'opinion qui montrent que ce sont surtout les plus âgés qui envisagent de voter pour un Brexit. Ah oui, les personnes qui se disent bah, « revenons à l'ancien ». Ancien, toi. C'était mieux avant. Voilà, c'était dit comme ça, mais en anglais. It was better before. Voilà, c'est ça. C'est gagné, Louise. On vous envoie très rapidement Marie Gourmandise, Homemade Cooking. Vous allez voir pas mal d'idées recettes rapides pour les grands soirs. Avec également des idées de déco et d'ambiance homemade pour faire votre table. Voilà, pour 25 façons de cuire un panda. Par exemple. Hein, donc vous allez recevoir très rapidement ce bel ouvrage que nous vous envoyons. Il est édité chez Racine. D'ailleurs, un ouvrage que nous vous offrons sur la page Facebook de l'émission. Ah ouais, dans 7 likes, on fêtera le 12 millième. Et je rajouterai... Dans 7 likes? Ouais, une clé USB. Allez. Oh là là, quelle folie. Je suis un fou. Non, mais non, on fait pas ça. Fou, mais non, pas une clé USB. Je suis un fou. N'hésitez pas. J'ai une clé USB aussi, moi. Elle va se calmer comme elle est. Eh bien, rejouer. Eh bien, vous savez quoi, c'est un peu, on n'est pas loin de Noël. Oui, allez, faites un tour sur la page Facebook de l'émission. Faites en sorte qu'il y ait cette personne qui vienne et je vous l'envoie. Merci de t'avoir. Ah, ça va, d'accord. Ah, bah voilà, à tout de suite. Je vous embrasse, Louise. Restez-nous fidèles, merci, restez beaucoup, presque bon sérieuse. Week-end. Merci. Au fond, le panda, vous le préférez bleu ou saignant? Écoutez, noir et blanc. Et bien comme ça, on n'y touche pas au panda, c'est sacré. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui s'énervent, même sur un sujet un peu de. Voilà, on ne peut plus rien c'est dire très, aujourd'hui. Très touchy, c'est tendu, hein. Vous vous rendez même pas compte. J'ai fait un dessin sur les pandas aujourd'hui et je n'ai jamais eu autant de réactions outrées. De dislike. Oui, il était pendu. mais chose avec laquelle on ne rit pas, Monsieur Dubus. Voilà, je n'ai jamais eu autant de réactions. On ne rigole pas avec les animaux. Non, mais franchement. Autant avec les hommes, on peut tout faire. Oui. Vous pouvez les terroriser sur ça, sur les petits Thaïlandes, tout ça, ça passe. Mais les pandas, il y en a, on touche pas. La crise des réfugiés, ça, on y va. Monseigneur Van Gelu, personne ne répond. Ah là, rien, personne. Par contre, les pandas, on n'y touche pas. Ah oui, ça c'est clair. Bon, à la suite, on jouera au presque jeu dédico avec un mot. Nous allons vous proposer en rapport avec l'actualité du jour un mot que je vous donnerai dans un instant. Vous inscrivez, vous repartez avec un coffret 4 CD concours Reine Elisabeth, un sac sport cérébral avec plein de jeux à l'intérieur et cette fameuse clé USB, la première qui fait, la renommée de la technologie, mon cher ami. Ah, vous vous rendez pas compte. Donc inscrivez-vous en envoyant CPS au 6031 75 centimes le message. Et si on poursuivait cette émission presque sérieuse en chanson, tiens, avec Cédric Gervi. Et si on parlait de l'euro, tiens, l'euro 2016, c'est dans quelques jours maintenant et ce sera à découvrir et à vivre en exclusivité sur la RTBF. Oh mon Dieu, ça commence. Ah oui, c'est ça. Mais c'est long, hein. Oh là là là là là là. Et c'est parti, il a accordé sa guitare et il entonne qui c'est le presque hymne de l'Euro 2016. C'est parti, Cédric Gervi. Je voulais faire un peu l'anti-Kiki innocent parce qu'il n'y a pas grand-chose d'innocent dans tout ce qui un va se passer. Un truc avec des paroles et une bonne musique alors. J'espère que ça vous plaira, je suis assez content de vous la faire maintenant. C'est parti. Ça pourra pas être pire, vas-y. Si vous voulez moi faire je suis fan. C'est parti. Vous dites bonjour à quelqu'un en particulier avant de commencer. Allez-y, dites bonjour à quelqu'un. Bonjour à tout le monde, moi j'adore. Vous pouvez la dédicacer au panda. Ouais, je la dédicace à Aoao. Avant qu'on dise ciao quand ils se feront éliminer. Allez-y. Vas-y Willy, vends-nous du rêve, qu'on s'éclate enfin deux, trois soirs, qu'on oublie un peu toutes ces grèves, qu'on est gouverné par hasard, qu'on hurle un peu main dans la main, pour autre chose que le temps de travail, qu'on soit courtois, qu'importe la fin, marre de me faire insulter où que j'aille, on part au front sans compagnie, c'est l'ultra-moderne solitude, on est tout seul tout le temps, tant pis, et c'est le néant du nord au sud, aucun coup franc à l'horizon, rien que calomnie et bassesse, eux les vrais héros du gazon, qui espèrent en finale que tout cesse, et le coach qui rappelle ciment, alors que nos ministres laissent béton, prétendre être sur la balle tout le temps, mais elle ne va jamais au fond, et puis dans les 11 qui l'alignent, pour jouer ici, y a plus un joueur, ils ont compris entre les lignes, que l'herbe était plus verte ailleurs, on rêve tous d'un autre monde, Alderweireld ou à peu près, on voit revenir la bête immonde, et même hors jeu, elle va marquer, on voudrait tant que sur un coup de tête, tout bascule et pack dans les buts, car même si on va faire la fête, une fois dessoulé, on n'y croit plus, avant c'était du pain béni, normal, on avait Ludoku, on avait Pfaff et ses conneries, Guéret sa barbe chiffon en boucle, on n'était pas encore flippé à l'idée que des tarés barbus ne rentrent par une porte dérobée, explorer autre chose que les buts, on n'était même pas qualifié, mais on s'en foutait royalement, on les diffusait en télé, mais il y avait plus personne devant, je connais des quêtes de 14 ans qui n'en avaient jamais vu un match où les diables d'avant faisaient la une le lendemain matin, aujourd'hui ils sont la bouée à laquelle beaucoup se raccrochent pour fêter ce qu'on peut fêter dans ce pays qui fait les poches, où ne se promenait pas le spectre de vivre les derniers instants, aujourd'hui on ne sait plus où se mettre pour être à l'abri du vent, dès qu'on en parle les beaux temps touchent et puis il y a trop de monde sur le banc, on sent l'écume qui monte aux bouches, dès qu'on parle de l'avenir du temps, vas-y Willy vends-nous du rêve, t'es un peu notre dernier espoir, car si en plus le ballon crève, ce sera vraiment la fin de l'histoire, tout le monde. vous savez quoi? Vous m'avez donné la chair de poule. Oh, magnifique. Ah non, mais vous dites pas merci. Non, je sais. Cool. Quel bel hommage à Willy Borsu. Eh, c'est bien. C'est... très bien, très bien, Serge Guigervi. À retrouver sur le Facebook de l'émission. On mettra le petit podcast, on mettra tout ça. Il faut faire un CD. On va faire... Mais il va en faire un. Vous allez faire un CD. C'est prévu, ça. Ah oui, c'est fait, c'est fait. C'est, C'est dingue, parce que Serge, il dit généralement, dès qu'il s'agit de parler de lui, à un moment donné, il n'en parle plus. Si vous l'invitiez un jour. Mais qu'il nous en parle, c'est quoi le CD? Ben écoutez, en fait, toutes ces chansons, moi j'en suis assez fou, mais ça, c'est un peu conceptuel parce que c'était pour ici, c'était très actu. Et donc plutôt que d'aller réenregistrer, faire des versions avec un autre public, j'avais envie de vous entendre dedans. Donc, voilà, c'est toutes des versions ici. Et c'est quoi, il y a combien de titres dedans? Il y en a 16. 16 Eh oui, ça bosse. Et ça bosse, hein, l'air de rien. Ouais, ouais. Et ça, ça sera prêt la semaine prochaine. J'en ah, c'est super. Et vous le tirez à combien? 12 000 Ouais, plus ou moins. 16, ouais, on va voir. Il faut le faire gagner, voilà. Ça sera mieux qu'une clé USB. Ouais, on va le faire gagner. On fera gagner. Il est là, je vous apporte. Le CD de Cédric Gervi. En attendant, nous, on va continuer à poursuivre cette émission presque sérieuse. Avec le presque jeu dédico, on va vous proposer un mot en rapport avec l'actualité, un mot que nos chroniqueurs du jour vont définir pour vous, à vous déterminer bien qui parmi nos chroniqueurs a la bonne définition. Un coffret 4 CD concours Anne-Elisabeth a gagné, un sac sport cérébral avec plein de jeux à l'intérieur, une clé USB la première, et vous savez quoi, on a une presque star, alors qui est belge, mais qui n'est pas en Belgique. Elle est à l'étranger. Il y en a beaucoup, hein. Ah, non, mais ça n'aide pas. Elle ne vit plus en Belgique. On va appeler très très loin. Kubla. Ah, on va aller. Je vous donne un indice. On va au Canada dans quelques minutes. C'est Céline Dion. Ah, vous voulez savoir qui, quoi, comment? Eh bien, restez avec nous. Nous sommes presque sérieux. C'est presque sérieux sur la première. Walid jusqu'à 17h30. Jusqu'au 5 juin, profitez des conditions printemps sur les châssis et portes Bellisol en PVC, aluminium et bois. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms ou sur bellisol.be. Bellisol. Plus de télé, c'est plus d'ambiance et aussi plus d'avantages. Jusqu'à mardi, plus votre télé est grande, plus grand est votre avantage. À l'achat d'une télé 55 pouces, recevez une carte cadeau de 275 euros. Conditions en magasin et sur Mediamarkt.be. Mediamarkt, je ne suis pas fou. Et la Angry Birds, ouais. Vous allez être content. Ça m'étonnerait. Si, maintenant il y a une prime de reprise exceptionnelle sur le Citroën Grand C4 Picasso. 7 places avec sa nouvelle boîte automatique. Ouais. Les Angry Birds retrouvent leur bonne humeur grâce aux offres Citroën. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film uniquement au cinéma. La première présente, l'orchestre à la portée des enfants. Rendez-vous avec les jeunesses musicales et l'orchestre philharmonique royale de Liège, dirigé par Zaya Ziwani. Allons ensemble découvrir l'univers particulier et le pays imaginaire de Peter Pan. Voyages, folies et personnages hauts en couleur nous attendent à la salle philharmonique de Liège le 10 juin et au Beaux-Arts de Bruxelles le 11 juin. Ce samedi, gratuit avec l'écho, notre dossier 12 idées pour s'en sortir. Comme un métro rationnel pour Bruxelles, un vrai tax shift, une Silicon Valley entre les deux Louvains. L'écho est parti d'une page blanche, a échafaudé 12 idées et invite tout le pays à dormir dessus ce samedi. L'écho, prenez de l'avance. La première, Mobile Info. 16h presque 47, que se passe-t-il sur nos routes avec Pierre Collard-Bovy? Mais pas mal de petits soucis un peu partout, notamment dans les tunnels de la capitale, bien évidemment, avec un véhicule en panne à la sortie du tunnel Porte de Halle en direction du Midi. Sur le ring de Bruxelles, et bien 36 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Bigard au titre, 29 minutes en plus pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 27 pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, et plus 14 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem. On signale des ralentissements dans la plupart des zones de travail. Bravo pour le moment. Notez cet accident sur le 411 Bruxelles-Namur à hauteur de Bierge. C'est en direction de Namur. C'est un accident impliquant un camion et une voiture. Terminé pour l'accident sur la 600 de Long-Saint-Chêne dans le tunnel de Cointe. Mais vous perdiez la chaussée est dégagée, mais vous perdiez plus ou moins 40 minutes. Il faudra le temps que ça se résorbe en direction de Chêne, bien entendu. Et puis on rappelle encore une fois cet accident sur le 40 Bruxelles-Gand à hauteur de Herpemer. La bande droite est neutralisée. Il y a des fils depuis à partir de la Lost. Et vous perdez 20 minutes en direction de Gand. Notez encore ce contrôle de vitesse sur le 411 Bruxelles-Namur entre Wallin et Aiguezé. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0848 400. C'est presque sérieux sur la première. Et on va du côté de Tournai pour un mot en rapport avec l'actualité, mot que vous allez définir pour Lorenzo, Lorenzo de Tournai. Bonjour Lorenzo. Bonjour Walid. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Ingénieur, c'est le début du week-end pour vous. Vous avez fini de travailler ou vous travaillez encore? Là, je rentre sur tournée. Ah, vous rentrez sur tournée. Bien, écoutez, nous allons vous offrir de très beaux cadeaux. Trois, en l'occurrence. Un coffret 4 CD concours Anne-Elisabeth 2015 consacré au violon, un sax sport cerval avec plein de jeux à l'intérieur et cette fameuse clé USB, la première. D'ailleurs, on a dépassé les 12 000. Donc, Vincent est en train de regarder, Vincent Flibustier est en train de regarder qui est le fameux 12 millième pour lui offrir cette fameuse clé USB. Votre il mot, un peu. Hein. Votre mot aujourd'hui, mon cher Lorenzo, votre mot est le suivant. Talweg. Qu'est-ce qu'un ou une talweg? À vous de le définir pour notre cher Lorenzo. On va commencer par Raoul Reyers. Ah, le talweg. Eh bien, le talweg est un petit bois au bord de l'autoroute A12, situé plus ou moins entre la brasserie Duvel et le fort de Brendonck, où se réunit la chorale de la NVA pour répéter le répertoire des chansons nationalistes flamandes avant le Vlaams National Zangfest chaque année. Et cette habitude a été interdite par le ministère de l'écologie flamand, car les arbres environnants avaient tendance à perdre leurs feuilles après de telles pratiques. Mais de toute façon, Jok Schovlieg avait quand même l'intention de les abattre. Donc le talweg, c'est quoi? C'est un petit bois, c'est tout près de chez Duvel. Un petit bois. Et le fort de Brendonck. Un petit bois pour Raoul Reyers. Mm. Lorenzo, il croit pas. On va voir un peu dans la suite. Le talweg pour Pierre Charette. Eh bien, talweg, ça veut tout simplement dire polyglotte en néerlandais. Par exemple, comme dans la phrase « Ik ben tué talweg », je suis bilingue. On va demander à Vincent Flibustier, le talweg, c'est quoi? Eh bien, le talweg diminutif de talwegallon, donc c'est un galet wallon qu'on ne trouve qu'au bord de la Meuse. Un galet wallon qu'on ne trouve qu'au bord de la Meuse. Ça pourrait être simple. Fred Dubus, le talweg. C'est tout simplement une petite tranchée. Tranchée. Oui, ça vient du flamand talweg, comme tout le monde l'a dit, mais c'est une petite tranchée creusée le long de la frontière linguistique. Oui, une tranchée. Oui, et par extension, c'est devenu une petite tranchée. On peut mettre un fond de béton pour faire un mur. Voilà, mais par extension, c'est donc devenu... Et enfin, Cédric Gervy. Le talweg, c'est la ligne qui rejoint les points les plus bas d'une vallée. Voilà, c'est un peu une définition bébé panda, mais voilà. Un petit ruisseau, quoi. C'est comme une petite tranchée. Ça a le mérite d'être dit. Alors, Lorenzo. Petit bois, polyglotte, galet wallon, tranchée ou une petite vallée. C'est ça? Oui. Un point, quoi. Un petit ruisseau. C'est un petit ruisseau qui coule tout au fond de la vallée. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on apprend des choses? Il n'y a pas moyen d'avoir Jacques Mercier en ligne pour un peu d'aide. Écoutez, je crois qu'il est sur Radio Judaïca pour le moment. Alors, dites-nous. Il fait sa peu. Sieste. Alors. Allez, la vallée. La vallée? Non, la vallée. La vallée. La vallée, et vous savez quoi? Effectivement, c'était au pif. Vous avez du mérite parce que... C'était au pif. Eh ben c'est vraiment ça, c'est la ligne de pente qui relie les sites les moins élevés d'une vallée. C'est le lieu où la pression atmosphérique est basse par rapport à son environnement du même niveau, une notion de creux atmosphérique. Rien compris. Le talweg, c'est vous savez, vous avez une vallée. C'est l'endroit en fait où il y a de l'eau. Et c'est l'endroit où ça monte. Où ça monte haut. Vous faites bien la vallée. Voilà. Et c'est l'eau qui monte. Et donc Tal signifie vallée, et Weg signifie chemin. Et donc chemin de vallée. Et en français, on dirait plutôt ligne de collecte des eaux. Et donc les talwegs sont en grande majorité modelés par l'érosion fluviale. Et d'ailleurs, le nom de scène de Jean Vallée en Flandre, c'était Jean Talweg. c'est ça. Et donc c'est gagné, mon cher Lorenzo. Vous repartez avec tous ces cadeaux que nous vous envoyons très rapidement. Restez-nous fidèles. Je rêvais de la clé USB depuis longtemps. Eh bien, ne rêvez plus, elle arrivera bientôt chez vous. Ce sera bientôt un cauchemar. À bientôt, mon cher Lorenzo. Enzo, restez-nous fidèles puisque dans la suite, on va faire un tour directement au Canada. C'est parti, nous voyageons dans cette émission. C'est presque sérieux sur la première. Avec notre presque star du jour, il s'appelle Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Walid. Vous allez bien? Très bien et vous? Écoutez, ma foi, ravi de vous avoir avec nous. Alors pour quelle raison vous êtes au Canada? Pour quelle raison on parle de vous? Eh bien nos chroniqueurs ont exactement 1 minute 30 pour les découvrir. C'est parti. Est-ce que vous êtes en cavale? Vous avez fait un crime? Non. Est-ce que vous allez aider à accoucher un panda à Montréal? Non. Il chasse la baleine à Tadoussac. Non plus. Est-ce qu'il travaille dans le sirop d'érable? Non plus. Est-ce qu'il est évadé fiscal? Évadé fiscal, non plus. C'est un artiste tout le temps au Canada. Artiste, non. Est-ce qu'il aurait pu aller ailleurs qu'au Canada? Oui, mais je pense que le Canada était. Il est allé spécifiquement au Canada. Ça a un rapport avec ce qu'il fait? Pas vraiment. Pas vraiment. Il aurait pu partir partout dans le monde. Ou presque. Est-ce qu'au Canada il défend les couleurs de la Belgique? Pas tellement. Un petit peu, on peut dire. C'est vrai que la Belgique, oui. Il tient une friterie à Chicoutimi. Alors, c'est des gaufres de Liège. C'est pas des gaufres. C'est une spécialité belge. Qu'est-ce qu'il reste? Du chocolat. Un bar à bière. Bar à bière, oui. Mais il faut aller plus loin. C'est un bar à bière belge. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi la particularité? Il brasse sa bière sur place et il vend la bière belge. Ouais, vous savez, j'ai rencontré le fils de Jacques Brel comme ça, qui tenait un bar à bière. Et ça, c'est très impressionnant, ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il a gagné? Et donc, on va attribuer. Il a gagné un concours. Il a gagné un concours de meilleur sommelier de bière. Voilà, et on l'a avec nous, Cédric. Il s'appelle Cédric Dauchaud, ingénieur brasseur belge qui a ouvert donc Townsend Brewing, une brasserie à Powell River en Colombie-Britannique sur la côte ouest du Canada. Et vous avez reçu une médaille d'or pour la stout à l'avoine, une triple belge également, et la stout à l'avoine vieillie en fût de chêne. Là, tout à l'égout. Alors, vous nous avez envoyé un mail pour nous dire que vous podcastiez l'émission et qu'on parlait de vous au Canada. Ah, c'est vous? Ah ouais, et moi je trouve que voilà, c'est assez important d'en parler. Racontez-nous un peu cette histoire canadienne et belge en même temps. Oui, parce que là, j'ai commencé à travailler en Belgique et puis très vite, j'ai trouvé un boulot au Québec il y a quoi, en 2004, donc ça fait quasiment une bonne dizaine d'années. J'ai travaillé au Québec pendant 5 ans et puis j'en avais marre de travailler pour une autre entreprise et j'ai commencé à chercher une place pour ouvrir une brasserie avec ma femme. Mm-hmm. Et puis en 2012, on a ouvert une brasserie ici à Paul River. Donc c'est vraiment le long de l'océan Pacifique. Il est 7h54 chez vous, c'est ça? Il y a 9h de décalage. Ouais, 7h54. Ouais. Donc vous venez juste de vous réveiller. Il y a quelques heures, oui. On va dire. Et au niveau de la brasserie, donc, vous créez vous-même vos propres bières, donc c'est bien ça? Oui, donc c'est ça. On fait nous-mêmes nos propres recettes, nos propres bières. C'est une toute petite brasserie, on a 2000 hectolitres. Mm-hmm. Et c'est ma femme, Chloé, qui a créé la recette de la stout à l'avoine. Et vous importez, vos bières en Belgique ou pas du tout? Exporté. On est vraiment assez petit, donc on importe dans l'ouest du Canada, surtout. Mm-hmm. En fait, 80% de nos ventes sont faites localement, et ça, on est assez fiers de rester local. Et c'est une toute petite communauté, Paul River. Donc c'est un concours national canadien qui invite donc les brasseries et cidreries de toutes les tailles à travers le pays à participer à une dégustation à l'aveugle afin de déterminer qui crée la meilleure bière. Et vous avez été récompensé de cette fameuse médaille d'or pour la stout à l'avoine. C'est quoi la particularité de la stout à l'avoine? C'est quelle avoine, forcément? Mais ça donne vraiment un goût très, très riche et crémeux. Beaucoup moins sec qu'une Guinness, par exemple. Donc, c'est vraiment plus velouté en bouche. Donc c'est parfait avec une poutine, quoi. Exactement. Eh bien, pour la goûter, justement, il va falloir prendre l'avion. 9 heures de décalage, direction le Canada, pour aller découvrir Cédric et sa brasserie, le Townsend Brewing, une brasserie à Powell River, donc du côté canadien. Alors, on vous remercie d'avoir été notre presque star du jour, mon cher Cédric. Je voulais juste dire qu'on paie un coup à tous les Belges qui viennent à la brasserie, donc c'est cool. Bienvenue. Ah ben voilà. Si on arrive encore ce soir, c'est bon. On mettra l'adresse. Parfait. Et toutes les informations sur le Facebook de l'émission et sur la page de la première. Dans la suite, nous, on s'informe, on reviendra avec des histoires de Vincent Flibustier, Pierre Charette qui signe encore une fois plus une chronique à découvrir dans la suite. Raoul Reher, c'est avec nous, Cédric Gervais aussi. Il y a Fred Dubus, Vincent Flibustier et vous, forcément. Et dans un instant, je donnerai le nom du 12 000e qui repart avec cette fameuse clé USB. Yeah. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Va, m'ouvre-toi, Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthénamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthénamut, on vous simplifie la santé. Krefel. Les gars, j'ai nos places pour le foot. Ouais. On sera à 2 mètres du terrain, juste devant mon grand écran. Acheter en promo chez Krefel. Les meilleurs prix, service compris.

Les syndicats qui demandent le retrait de la circulaire sur les jours de récupération. La direction veut les diminuer. C'est inacceptable pour les syndicats qui considèrent que c'est un acquis social pour compenser une perte de salaire. La reprise du travail s'amorce dans les techs. Les bus rouleront demain à Namur. En Brabant wallon, ils rouleront partiellement ce week-end, mais complètement dès lundi. À la Louvière, il faudra attendre lundi. En région liégeoise, au dépôt de Robermont, le débat a été houleux. 70% des agents se sont prononcés pour la reprise, mais il a finalement été décidé de voter à bulletin secret. On n'en a pas fini avec la pluie. Les prévisions de l'Institut Royal Météorologique ne sont pas réjouissantes jusqu'à mardi. Le sol et les rivières sont déjà saturés, ce qui a provoqué les inondations de ces dernières heures. Une victime est à déplorer, un homme d'une soixantaine d'années surpris par la brusque montée des eaux alors qu'il tentait de protéger ses ruches. C'était hier soir à Arcin. À Masbourg, la solidarité s'est organisée. Masbourg, c'est un petit village de l'entité de Nassogne, fortement touché par la crue de la Masblette. Vincent Brichet et Sébastien Joris ont rencontré les habitants qui s'organisent entre voisins et en famille. Voilà. Tout ce qui est à terre mouillé, il faut évacuer. Je suis bien aidée par ma famille. Hein. Nous sommes une grosse famille, hein. 6 enfants et tout le monde vient aider comme ça. Depuis hier soir, tout le monde se donne des coups de main, tout le monde va chercher des sacs de sable pour les gens, va demander s'il faut aller conduire les enfants à l'école, aller les rechercher, tout ça. Enfin, c'est vraiment petit village, mais bon esprit. Tous les voisins, jeunes, vieux, s'y sont mis. Et ça a été extraordinaire. Ce midi, on a mangé tous ensemble. D'autres gens du village ont fait à manger pour ceux qui travaillaient. On a fait un spaghetti pour 60 personnes, là, à peu près. Et alors, maintenant, on reprépare une soupe pour ce soir avec pistolet, jambon, fromage. Et voilà, quoi. Maintenant, on va refaire le tour du village. C'est ceux qui veulent venir, ils sont les bienvenus. Et notez que le fonds des calamités devrait intervenir en faveur des sinistrés. C'est ce qu'a annoncé Pascal Dewille, directeur du centre régional de crise. Plusieurs cours d'eau du sud du pays sont en phase de préalerte de crue, comme la Vesdre, la Meuhaigne et la Basse-Lesse. L'Homme et ses affluents sont, eux, en phase d'alerte de crue. Ailleurs en Europe, les intempéries ont déjà coûté la vie à une dizaine de personnes, rien qu'en Allemagne. Le musée d'Orsay, le musée du Louvre, la Bibliothèque nationale et une ligne de RER sont fermées à Paris en raison des inondations. Le niveau de la Seine a déjà atteint 6 mètres. On atteint même un pic à 6,50 mètres dans la soirée. Une crue sans précédent depuis 34 ans que suit pour nous notre correspondante à Paris, Lola Fourmi. Sur le pont de Grenelle, au-dessus de la Seine et à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel, le balai des curieux est incessant. Avec son ciré jaune, Elodie prend, comme les autres, des photos. J'avais jamais vu ça et j'en profite pour faire des photos un petit peu. Il y avait une voiture un peu plus loin qui était sous l'eau. Il y a des caves qui sont recouvertes complètement d'eau. C'est plus sensationnel qu'inquiétant, en fait. Une situation tellement exceptionnelle que les télés japonaises viennent même filmer. Certains riverains, eux, s'inquiètent. Ce que vous entendez là, c'est le débit d'eau qui immerge la moitié de l'île aux Cygnes, où jouent habituellement les enfants d'Ali. Je suis venu pour qu'ils se rendent compte un petit peu de ce qui se passe, pour leur montrer que voilà, ils peuvent y aller et que c'est pas grave, mais c'est inquiétant. On vous annonce une crue, ils ne savent pas si ça va continuer vraiment ou ça va s'arrêter, à quel moment. Voilà, à partir du moment où il y a un doute, c'est toujours inquiétant. C'est pas normal qu'on voit autant d'eau qui monte. On ne sait pas quand il redescend, c'est bizarre. En face, Ibrahim a dû évacuer le sous-sol de sa société de parking. Il devra peut-être évacuer aussi la partie extérieure. Un coup dur. On ne travaillera pas toute la suite, quoi. C'est-à-dire que le mois à venir, il faut attendre la descente de l'eau. Après, il faut tout rénover. Après, il faut tout mettre en ordre. Et le vaste chantier de nettoyage des berges devra être rapide, car rappelons quand même que d'ici une semaine, des milliers de touristes sont attendus à Paris pour l'Euro de foot. Encore un naufrage en Méditerranée. Cette fois, c'est au sud de la Crète. L'île grecque semble faire partie des nouvelles routes maritimes empruntées par les passeurs pour contourner les contrôles de l'OTAN déployés entre les côtes turques et les îles grecques de Lesbos et Chios. Pour l'heure, une importante opération de sauvetage est toujours en cours. Des centaines de réfugiés pourraient avoir disparu. Selon l'Organisation internationale des migrations, le bateau en provenance d'Afrique transportait au moins 700 personnes. Une finale dames Espagne-États-Unis à Roland-Garros. Garbiñe Muguruza, quatrième mondiale, s'est qualifiée en battant l'Australienne Samantha Stotzur. Elle rencontrera Serena Williams, tombeuse de la néerlandaise Kiki Bertens. Et chez les messieurs, on connaît déjà le nom du premier finaliste. C'est le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Il vient de battre en 3-7, 6-2, 6-1, 6-4 le 15e mondial, Dominic Thiem. Ce sera la 4e finale sur terre battue de Roland-Garros pour le Serbe. Il affrontera soit Andy Murray, soit Stan Wawrinka. Pour le moment, c'est le Britannique qui a remporté les deux premiers sets. Merci de nous être fidèles. Très belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Jusqu'au 5 juin, profitez des conditions printemps sur les châssis et portes Bellisol en PVC, aluminium et bois. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms ou sur bellisol.be. Bellisol. 17h08 sur la première. C'est presque sérieux, évidemment. Merci, Diane, de nous avoir informé. Retour de l'info, justement, dans 22 minutes. Ce sera à 17h30 pour soir première. La première. 16h-17h30. C'est presque sérieux. Avec Walid. Et c'est bien entouré que nous finissons cette semaine avec vous. Ils n'ont pas fait grève, non. Ils sont là, ils sont bien installés, ils vont avoir du mal à rentrer aujourd'hui. C'est peut-être votre cas, vous êtes sur la route, prenez votre mal en patience. Nous sommes presque sérieux avec autour de cette table celui qui vient de nous donner des frissons. Il faut réécouter cette chanson en podcastant l'émission du jour. Il s'agit de Cédric Gervie. Bonjour. Bonjour. Il y a Raoul Reyers autour de cette table. Et Walid aussi. Vous ne seriez pas là. On devrait mettre des disques. Oui, c'est vrai. Vous on offrirait avec les USB. On mettrait quelqu'un d'autre. C'est vrai aussi, par exemple. Hein. La RTBF, partout ailleurs, c'est comme ça. Fred Dubus est avec nous. Vous avez reconnu sa voix. Oui. Abemus Dubusam. C'est tout de suite autre chose. Et il y a Pierre Charette qui, dans un instant, nous parlera de quoi, lui ? De commentaires de foot de Rodrigo Benquens. Rodrigo ! Découvrir dans la suite de C'est presque sérieux. Et là, tout de suite, eh bien, nous plongeons ensemble dans l'histoire avant de découvrir les histoires de Vincent Flibussé qui va bien, je suppose. Ah oui ! Et c'est parti. C'est presque sérieux. C'est la première. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça. Hey, Houston, on a un problème. Vous le savez, tous les jours, sur la première, vous avez rendez-vous avec l'histoire durant une heure, entre 13h30 et 14h30, avec Laurent Dehausset. Et au programme de ce lundi 6 juin, comment l'Italie inventa le mariage à trois, le fameux Sigisbé, hein, le chevalier servant est un personnage, lui aussi, central du 18e siècle italien. Un homme parfois marié, mais le plus souvent célibataire. Il accompagnait les femmes d'un autre homme en société, de manière officielle, avec l'accord du mari. Ah, le plan 3. C'est une autre époque. Effectivement, le Sigisbé. À découvrir lundi sur la première entre 13h30 et 14h30. D'ici là, aujourd'hui, 3 juin, une question en rapport avec la date du jour. Écoutez la question de Laurent Dehausset. En déménageant, j'inscris mon nom en lettres capitale dans mon pays, qui suis-je? Alors, en déménageant, donc c'est une ville qui est devenue un pays. C'est une ville qui est devenue une capitale. C'est une ville qui est devenue la capitale. Qui a déménagé. Ah, c'est Brasilia. Non, c'est pas au Brésil. C'est pas au Brésil, non. En Corée du Nord. C'était pas en Corée du Nord. Ils ont aussi fait des capitales. C'était combien de temps? C'était il y a très longtemps. C'était en 1800. C'est en Europe. Ce n'est pas en Europe. Le 3 juin 1800, elle devient la capitale de ce pays, officiellement. C'est en Amérique du Nord ? En Amérique du Nord. Oui. J'ose pas répondre parce que j'ai tellement nul en géographie. C'est New York. C'est Washington. Washington. Washington, et c'est pas New York, c'était Philadelphie juste avant. Le 3 juin 1800, John Adams, deuxième président des États-Unis d'Amérique, quitte donc Philadelphie pour Washington. Comme sa nouvelle résidence n'est pas prête, il campe pour quelques mois à l'Holiday Inn. Et le 21 novembre 1800, bien c'est tout. Il y avait déjà des Holiday Inn. Ah oui, il y avait déjà ça, effectivement. Vous moquez de nous. Non, là. Je vous promets, il y a l'Holiday Inn. C'est comme ça que c'est. Non, mais je gai savoir. Et l'année suivante, en 1801, Thomas Jefferson devient le premier président à y prendre ses fonctions. La ville à l'époque a été construite de toutes pièces. 3000 personnes vivaient à Washington. Et juste après, elle a été choisie comme capitale des États-Unis en hommage à George Washington, hein, nommé en honneur du premier président des États-Unis, mort en 1799. Je vois ça d'ici. Voilà. Donc à l'époque, c'était gros comme ces roues moustiques. Ouais, c'était vraiment tout petit, quasi rien. 3000 personnes. Et puis après, ça s'est construit au fur et à mesure. Donc voilà, Washington. Avant Manhattan, c'était une île avec trois Indiens. Voilà, c'est ça. Et c'était donc avant Washington, c'était la Voilà, c'était Philadelphie, la capitale. 4 fois moins que la page Facebook de l'émission. Ah ouais. Ça fait réfléchir tout ça. Ça fait réfléchir, ouais. C'est, imaginez, il est arrivé en disant « Venez, venez à Washington, je vous offre des clés USB. Ouais, » Voilà, et là, ça change la donne de l'histoire, mon cher ami. Et effectivement, des histoires. Il y en a des questions tout de suite avec Vincent Flibustier. Bonjour, messieurs Vincent. Vincent, nous vous écoutons. L'une de ces deux histoires que vous nous proposez aujourd'hui est vraie. La question, c'est laquelle ? Ben, je vous ai évidemment trouvé deux histoires de grève à travers l'histoire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, quand on cherche strike en anglais, qui veut dire grève, on trouve très peu d'histoires de grève, mais beaucoup de bowling ou du jeu vidéo Counter-Strike. Oui. Comme quoi la grève, c'est une tradition européenne. Voici la première. Ici, on rigole bien de l'armée envoyée dans les prisons, l'armée envoyée dans les rues, on fait des blagues. Bientôt, ils vont distribuer le courrier quand ils post fera grève. Eh bien, ça a été le cas. En 1970, Richard Nixon fait face à une grave protestation de toute la poste américaine. Une grève sauvage démarre. Au bout d'une semaine, New York est à l'arrêt. Plus aucun courrier n'est distribué. Des millions de lettres en retard s'accumulent. La bourse de New York s'écroule. Du coup, Nixon déclare l'état d'urgence, envoie la garde nationale, les marines, l'air force, l'armée de terre, bref, 24 000 militaires qui distribueront le courrier pendant une semaine. You don't mess with Richard Nixon. L'armée donc en 1970 qui distribue le courrier sous l'ère Nixon, vraie ou fausse histoire ? Eh bien écoutons la seconde, Vincent. Eh bien il existe un pays dans le monde où la grève n'a été autorisée qu'en 2002 et c'est le Bhoutan. Parce qu'on a beau croire que le Bhoutan c'est le plus beau pays du monde, du bonheur par habitant, tout ça. Mais le Bhoutan on sait même pas où c'est. Bah, en fait c'est à l'est du Népal, au sud du Tibet. Et il faut savoir que toute grève était interdite jusqu'en 2002. Et encore aujourd'hui, pour faire grève, les syndicats, enfin le syndicat, doit déposer un préavis d'un an à l'avance. Donc, répétez après moi, on n'est pas content. On n'est pas content. Et on va faire grève. Et on va faire grève. Dans un an. Dans un an. Du coup, en fait, il n'y a jamais eu de grève dans l'histoire du Bhoutan, alors que malgré tout ce qu'on croit que c'est le pays du bonheur, tout ça, c'est un des pays les plus pauvres au monde et c'est quand même un régime qui est relativement dictatorial, on ne fait pas ce qu'on veut. Alors, deux histoires. Cette fameuse grève interdite en 2002, depuis 2002, c'est ça, hein, au Bhoutan, et l'armée qui distribue le courrier sous Nixon en 1970. L'une de ces deux histoires est vraie. Oui, mais laquelle ? Cédric Gervie, première ou seconde ? Bah, en hommage à la SNCB, je dirais le Bhoutan, parce que Bhoutan en train. Vous êtes fan ? il devrait écrire des chansons. Ouais. On va demander à Raoul Reyers, première ou seconde ? Le pays du bonheur, hein, le Bhoutan. Le Bhoutan, bien sûr. Une vanne sur Bhoutan ? Non. Non. Okay. Plutôt de me dire une mauvaise vanne, je préfère m'abstenir. Fred Dubus. Aussi le Bhoutan. Le Bhoutan. Vous voulez une vanne aussi ? Allez-y, faites-vous plaisir. Je n'en ai pas. Okay. Bhoutan, à Pakistan, mais. Non. Je dirais Nixon. Nixon pour Pierre Charette. Vous êtes certain, Cédric Jarry, vous ne voulez pas changer ? Ah, j'aimais bien Nixon aussi. Dans la vanne. Une vanne sur Nixon. Nixon, mais qu'on aille lui ouvrir. Non, voilà, c'est ce que j'allais dire. Oh là là. Effectivement, voilà. C'est ce cerveau qui se... Voilà. Roulement de tambour pour découvrir l'histoire vraie du jour. Histoire de grève, Vincent Flibustier. Eh bien oui, c'est bien Nixon qui n'a pas trop apprécié que les postiers fassent grève et on ne déconne pas avec Nixon. Il a tout simplement renié totalement leur droit à faire la grève en envoyant l'armée pour les remplacer. Au bout d'une semaine, les postiers ont cédé et l'armée est rentrée chez elle. C'est évidemment une tradition américaine de ne pas céder face aux grévistes puisqu'en 81, Ronald Reagan, lui, avait renvoyé 11 000 contrôleurs aériens qui s'étaient mis en grève du jour au lendemain. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec Nixon, sans rentrer dans les détails, ça a ouvert une brèche terrible dans la démocratie américaine. Puisqu'en fait, il a instauré un état d'urgence pour quelque chose d'assez léger et il n'a jamais voulu sortir de cet état d'urgence pour garder le pouvoir. Du coup, après, à partir de Jimmy Carter, on a changé le système et créé des mini-états d'urgence pour des sujets précis comme le terrorisme, la drogue colombienne, le blocage des fonds de personnalités ukrainiennes, soudanaises, libyennes, etc. Et en fait, donc, il n'y a pas d'état d'urgence permanent aux USA, mais 30 états d'urgence permanents encore en cours pour le moment, dont le plus ancien est l'embargo sur l'Iran, une mesure d'état d'urgence qui est en vigueur depuis 1979. Ah ben voilà, on apprend des choses. Merci Vincent Flibustier. Tiens, on salue Mathieu Collard qui est donc le gagnant de cette clé USB, le 12e à être sur la page Facebook. Salut son papa qui fait le radio guidage. Aussi, on l'embrasse hein, au passage. Ah, et donc c'est Pierre Collard et Madame Bovy alors. Je ne sais pas. Ah, et oui, le surnom de Pierre Collard Bovy J'ai pas encore. J'ai reçu Bowie ni l'ourson, mais voilà. C'est pas terrible. Hein. Voilà. Mais on cherche toujours. On va d'ailleurs le retrouver dans un instant. Et dans un instant, eh bien, on s'intéressera au football avec Pierre Charette, les commentaires de Rodrigo Benkens. C'est dans la suite de C'est presque sérieux. Bonjour, bah moi je m'appelle Eric, j'ai 35 ans et je suis auteur-compositeur pour les chants de supporters de foot. on t'encule. Ça, c'est moi. Ou alors, bah niquer ta mère. Ça, c'est moi aussi. C'est presque sérieux sur la première. Vous savez ce que la Seat Leon ST Break offre de mieux? Des jantes 17 pouces qui vont faire baver mes collègues de jalousie. Presque. Son pack connectivity pour aller sur mon Facebook. Pas mal. Son incroyable coffre pour encore plus de shopping. Exact. Mais elle offre aussi 5 300 € d'avantage. Waouh! Profitez maintenant de 5 300 € d'avantage sur la Seat Leon ST Break avec phare full LED et système de navigation. Prime de recyclage comprise sous condition. Seat. La ville de Bruxelles présente iShop on Sunday. Tous les premiers dimanches du mois, à Bruxelles, venez vivre une journée de shopping go! Ce dimanche 5 juin, c'est le Devil's Day et le centre-ville vous invite à vibrer avec les diables. Des animations complètement foot pour toute la famille et des joueurs cachés dans les boutiques. Le shopping du dimanche au centre-ville, c'est tous ensemble. Valérie Stenuy, Customer Advisor chez Partena Professional depuis 17 ans. Bonjour, chez Partena Professional, nous aidons aussi les startups. Par exemple, une personne rêvait d'ouvrir sa boulangerie. Seul problème, elle n'avait pas les qualités requises pour être pâtissière. Je l'ai donc aidée à recruter un boulanger qualifié, j'ai calculé ce que ça allait lui coûter et préparé tous les dossiers nécessaires. Et aujourd'hui, eh bien, ils ont 5 employés. Voilà ce que signifie entreprendre avec les entrepreneurs, avec Partena Professional. Retrouvez d'autres histoires sur partenaprofessional.be. Il y a longtemps, je me trouvais dans un GSM. Et moi dans une foreuse. Et on osait abandonner au garage. C'est nul. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bébat, car Bébat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bébat. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Ce samedi, gratuit avec l'écho, notre dossier 12 idées pour s'en sortir. Comme un métro rationnel pour Bruxelles, un vrai tax shift, une Silicon Valley entre les deux Louvain. L'écho est parti d'une page blanche, a échafaudé 12 idées et invite tout le pays à dormir dessus ce samedi. L'écho, prenez de l'avance. La première, Mobile Info. 17h, presque 20 minutes, Pierre Collard-Bovy, comment va-t-il depuis tout à l'heure? Des temps de parcours sur le ring assez considérables quand même, puisque vous mettez 40 minutes supplémentaires, je dis bien supplémentaires, pour faire le trajet Grand Bigard au titre sur en circulation extérieure. Plus 40 minutes également pour l'extérieur Grand Bigard au titre. Plus 35 minutes pour l'intérieur Saint-Vendème, Carrefour et Léonard. Plus 16 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Saint-Vendème. Et plus 11 minutes pour l'intérieur Carrefour Léonard au titre. Vous ralentissez dans la plupart des zones de chantier pour le moment sur les autoroutes. Un accident sur le 42 Namur-Mons à hauteur de Manage. Il y a 3 km de fil. Vous perdez une quinzaine de minutes en direction de Mons. Considérable ralentissement également à cause d'un autre accident sur le 411 Bruxelles-Namur à hauteur de Bierge. Vous ralentissez depuis Jésus-Seig. Vous perdez 50 minutes sur 10 km en direction de Namur. Également un fin de l'accident. Donc on l'a déjà dit tout à l'heure sur la 602 Long-Saint-Chêne dans le tunnel de Coigne. Mais vous perdez encore une vingtaine de minutes en direction de Chêne. Et puis on signale de gros embarras de circulation dans le centre de Liège et aux alentours des quais. C'est bien compliqué donc d'aller au centre de Liège pour le moment. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. L'administration salariale de mon entreprise, ce n'est pas mon problème. Les formations, l'absentéisme, désolé, je n'ai pas le temps. Moi, mon souci, c'est de trouver de nouveaux clients, dénicher des opportunités commerciales ou... Vas-y, Tomati ! Suivre mon fils. Et pour le reste, je fais confiance à Securex. Securex, c'est plus de 1500 experts en gestion du personnel. Du recrutement à l'administration. Du bien-être à la sécurité. Securex. Chacun son métier. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Il vous reste 9 minutes avant un tirage au sort qui vous permettra d'aller applaudir demain du côté de Flaget à 20h15. Mélanie de Biagio, on vous offre 2 fois 2 places. Vous envoyez le code Mélanie suivi de votre nom, prénom et adresse au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et donc vous irez demain du côté de Flaget avec la personne de votre choix applaudir cette belle artiste Mélanie de Biagio qui était d'ailleurs il y a très peu de temps chez Jérôme Collin dans Entrée sans frapper. C'était pas ici? C'était ici. Mais il faudrait qu'elle vienne ici. Bah sûr, elle va venir un petit jour. Enfin, faire son morceau de 26 minutes. Bien son morceau de 26 minutes. Bah, elle pourrait le faire dans la dernière demi-heure. Par exemple. Ce serait pas mal, ça. Mais ouais. Et on l'écouterait dans la voiture. Salopard. Espèce de salopard. Ça serait bien, ça. Ça serait bien. Bon, et mardi, le match contre la Finlande était retransmis sur la Une. Un match qui, comme d'habitude, était commenté par notre Rodrigo Benkens national, n'est-ce pas, Pierre Charette? Mais oui, et il faut le dire, hein, commenter un match de football, c'est un métier compliqué. entre les poncifs footballistiques de Philippe Albert, comme une erreur à ce niveau-là, ça ne se pardonne pas, ou bien dans le football moderne, il n'y a plus de petites équipes, il faut trouver le bon dosage. Et la main à la couesse. Le bon ton, le bon curseur, il ne faut pas en faire trop. Un champion qui nous fait rire. Voilà, il faut garder le sens de la mesure. C'est un scandale. On a compris. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est hallucinant ce qui se passe ici. Dégueulasse. C'est franchement dégueulasse. Eh oui, il faut savoir maîtriser ses émotions. Ah, j'ai un bon qui se pose pas de question. L'intérieur du pied est magnifique. Magnifique. Chercher le petit, non, le petit non, côté non, là. Non. Il m'étonne ce chéri. Mais parfois, le match n'est pas si haletant. Parfois, le match, il est tout pourri. Comme mardi, lors de Belgique-Finlande, quand il ne se passe rien d'intéressant sur le terrain, le commentateur est alors tenté de combler les trous en racontant tout ce qui lui passe par la tête. Exemple. Savez-vous que les Finlandais ont inventé le sauna de 3 millions et le record du monde de sauna par habitant? 1 pour 2 habitants. Oui, c'est ce qu'on appelle meublé. Ou le gai savoir. C'est ce qu'on appelle meublé. Au moins, les gens apprennent quelque chose. Est-ce qu'on pensait que le commentateur finlandais donnait des infos sur la Belgique? Savez-vous que les gaufres de Liège ont été inventées à Bruxelles? C'est ce qu'on appelle meublé. Et mardi dernier, lors de Belgique-Finlande, Rodrigo Benkens est carrément devenu décorateur d'intérieur. C'est qui dispose de l'eau de robinet la plus pure de toutes les grandes villes du monde? Alors, la question, s'agit-il d'une information non pertinente lors d'un match de foot? Eh bien non, puisque c'est en fait, mardi, l'eau du robinet d'Helsinki était bel et bien plus limpide que le jeu offensif des Diables Rouges. Mardi, donc, les Diables ont été contraints au match nul contre la modeste équipe de Finlande. Résultat, tout le monde a crié à la contre-performance. Hein. Ah oui. Alors qu'en réalité, pas du tout, je vais vous dire, on n'a pas fait match nul contre n'importe quel pays. La Finlande, qui peut s'enorgueillir d'avoir le taux de mortalité infantile le plus bas du monde. Ça, j'avais entendu. Mais vous voyez, on ne partait pas à armes égales. En effet, statistiquement, on a plus de chances en Belgique qu'en Finlande qu'un joueur de classe mondiale soit décédé inopinément avant l'âge de 3 ans. C'est vrai. Bah oui. Sans compter que toute cette génération de joueurs finlandais, je vous le rappelle, a bu une eau de robinet bien plus pure que nos joueurs à nous. Et quand vous connaissez les effets du sauna sur la récupération cellulaire, vous comprenez qu'en fait, ce match nul mardi, c'était un exploit. Heureusement donc que Rodrigo Pedia était là. Et s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Rodrigo Benken, c'est bien de ne pas préparer ses matchs, puisque même ses jeux de mots sont écrits sur de petites fiches. On se rappelle tous évidemment du Brésil, hein, on avait eu droit à un récital de Maître Rodrigo, rappelez-vous. Après le but de Romelu contre les États-Unis, on avait eu droit à Lukaku de tonnerre, un clair de génie de Rodrigo. À propos de De Bruyne, il y a un Kevin et un Kevout. Tout est véridique. Hein. À propos de Fellaini, on a eu droit à Marwan 2-3. Rodrigo, ça vous fait rire. Est-ce que vous pensez que ça vient directement ou il les écrit? Il les écrit sur une fiche. Mais justement, alors, Rodrigo qui avait aussi dit à propos de Fellaini, je cite, l'homme qui a fait le plus pour les perruques depuis 20 ans. Rodrigo Benkens, qui de toute évidence ne connaît pas Pascal Vrabos. Et puis il y avait finalement, évidemment, son lui, fameux. Lui n'en a jamais vendu qu'une. La sienne. Puis il y avait évidemment son fameux La Caipirinha a un goût de trappiste. Une saillie que Rodrigo avait évidemment sur sa petite fiche, après s'être documenté dans l'encyclopédie des spécialités culinaires par pays. Et on se réjouit déjà d'être à l'Euro. Premier match contre l'Italie, la pizza a un goût de tartel jot. Deuxième match contre l'Irlande, la Guinness a un goût de chimée bleue. Troisième match contre la Suède, les boulettes Ikea ont un goût de boulet liégeois. Et puis, évidemment, on se qualifie pour les huitièmes. On joue contre les Turcs. Les Durum ont un goût de mitraillette. Sauce blanche, ça va de tout. Quart de finale contre l'Allemagne. La choucroute a un goût de chou de Bruxelles. Demi-finale contre l'Espagne. La paella a un goût de Waterzooi. Et puis, bim, finale contre la France. Et là, les endives ont un goût de chicon. Et là, on est champion du monde grâce à un coup du chapeau de Mertens. Champion d'Europe. Champion d'Europe. Mertens, oui. Entu et Dries. S'exclame Rodrigo. Pas mal. Dries Mertens que Rodrigo aura entre-temps, évidemment, surnommé Dries de Nice. Mais surtout, après avoir vu ça, Rodrigo pourra, comme Thierry Roland, mourir tranquille maintenant. Il nous aura fait vivre, nous téléspectateurs, un moment inoubliable. Résultat, attention, la chute, je l'ai travaillé. Tout ce qu'on pourra dire à Rodrigo, c'est comme Batshuayi, Michi pour ce moment. Mmh. Oh, mmh. 10 juin d'ailleurs. Si on joue contre la Suède, il va vraiment devoir meubler. Ah. Mais là, c'est la concurrence sera dure. À retenir le 10 juin, donc le début de cet Euro 2016 en France que vous découvrirez sur les antennes de la RTBF. Et Rodrigo, qu'on embrasse au passage, qui est un des meilleurs commentateurs sportifs, ouais, je dirais même pas au monde. Ah, non, je ne sais pas comment il fait pour repérer un coureur dans un peloton d'hélicoptère. Il est exceptionnel. Et à 17h27, si on passait au Philippe, tiens, de cette semaine. Cette conversation est terminée. avec l'actualité ou la personnalité qui vous a irrité, à qui vous allez décider de remettre un Philippe. Fred Dubus. Oh, moi, je dirais probablement les chauffeurs des techs qui font un arrêt de travail contre le gouvernement fédéral dont ils ne dépendent pas. Ça, voilà. C'est quand même merveilleux. Vincent Flibussier. Eh bien, moi, c'est un Philippe contre la Finlande, puisque les lacs de Finlande sont au nombre de 187 888, mais seuls 56 000 sont plus Merci grands Vincent. Qu'un hectare. Merci Vincent, vous avez fait honte à vous, Finlande. On va demander à Cédric Gervis, son Philippe de cette semaine. Ben, on parlait beaucoup de l'ambiance morose, etc., au début, et en fait, moi, il y a un truc qui m'a un peu up ma journée, c'est qu'on a l'impression que le temps nous file entre les doigts, mais il y aura toujours Serena Williams en finale. Ah, donc ça, c'est magnifique. Raoul Reyers. Richter. C'est qui? Ben, c'est le recteur de la plus grande université de Flandre qui a dit « Pan d'année en Wallonie, enfin un signe de reprise économique ». Ah ouais, vous avez déjà vu sa tête. Il a un peu taclé ça, ouais. Et enfin, Pierre Charette. Denis Baupin, vous savez, hein, qui était pour harcèlement, qui, dans une interview, a dit que le libertinage correspondait à la culture des écologistes. Ah ouais, voilà. J'imagine que c'est ce que les écolos appellent l'habitat groupé. Merci. Merci Pierre Charette. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à vous. Très bon week-end. À redécouvrir, bien entendu, les meilleurs moments de C'est Presque Sérieux ce week-end entre 16h et 17h30 avec Stéphanie Barras. Et nous, on se retrouve lundi avec Sophie Favier qui sera notre invitée. On va beaucoup travailler les S et pas que. Et dans la suite, vous avez rendez-vous avec l'info sérieuse cette fois-ci. Pierre-Yves Meugens vous informe. C'est soir première. Excellente fin d'après-midi à l'écoute de la première. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à 20h, Le monde est un village. Si vous aimez la musique irlandaise, vous allez être ravis, comblés, car entre le 7 et le 12 juin, il y aura un festival dans plusieurs localités de Belgique, dont Bruxelles. Nous aurons aussi l'occasion ce soir d'écouter des musiques de la Méditerranée reliées à certaines villes, comme Istanbul, comme le sud de la France. C'est le nouveau disque Sound City du musicien italien Stefano Saletti. C'est dans Le monde est un village, c'est dès 20h. Le monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Les Angry Birds, y a plus rien à casser. Oh. Mais on va tout reconstruire grâce au Citroën Berlingo. Yeah. On est plus efficace avec un utilitaire Citroën. En ce moment, jusqu'à 6000 euros d'avantage sur les Citroën Berlingo disponibles immédiatement. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film uniquement au cinéma. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 57.